Exercice 10, page 137. A. Vous voulez le voir? Transformer. Oui, je veux bien le voir. B. Vous voulez le vendre? Transformer. Oui, je veux bien le vendre. C. Vous voulez venir? Transformer. Oui, je veux bien venir. D. Vous voulez le biper? Transformer. Oui, je veux bien le biper. E. Vous voulez le bouger? Transformer. Oui, je veux bien le bouger. F. Vous voulez le brancher? Transformer. Oui, je veux bien le brancher.